Chapitre 2. Sur les saints du ciel. Vue générale sur les saints. Durant l'octave de tous les saints, j'ai eu continuellement devant les yeux la cour céleste, cette assemblée si magnifique, si glorieuse, qu'il n'y a rien de comparable. C'est une force si merveilleuse, une puissance si auguste, que, sous sa protection, il n'y a rien à craindre. Le patronage de ces bienheureux nous met tellement à couvert que, tout l'enfer s'armerait-il contre nous, rien ne serait capable de nous surprendre. Lucifer, Léviathan et tous les diables ensemble, ne sont qu'un fétu en comparaison de l'armée des saints. C'est la toute-puissance de Dieu répandue en ses élus, qui nous défend et nous protège en leur personne. Ayons grande confiance en leur secours, ils sont puissants, ils aiment en nous des frères nés du même Père, ils ont compassion de nous, se souvenant, à la vue de notre état, de celui où ils ont été eux-mêmes, ils reconnaissent en nous des âmes qui doivent, comme eux, contribuer à la gloire de Jésus-Christ. Quelle joie n'éprouvent-ils pas, lorsqu'ils peuvent trouver des associés qui les aident à rendre leurs hommages à Dieu, et à satisfaire leur désir de le magnifier par cent et cent mille bouches, s'ils les avaient. Quel plaisir et quelle consolation pour eux, mais cela ne leur suffit pas. Les seules louanges et les seuls respects qu'ils empruntent à Jésus-Christ, pour glorifier la très sainte Trinité, sont capables de les satisfaire. Ils offrent à cette Trinité adorable les hommages de ce divin Sauveur. Lui étant conforme en tout, et possédé entièrement de son esprit, ils font comme les poissons qui se laissent conduire ou branler au mouvement de la mer. Abîmé dans sa personne, il se laisse porter à ses saints mouvements et aux élévations perpétuelles dont il honore Dieu. Comme ses louanges sont infiniment parfaites et infiniment agréables au Père éternel, il se contente en lui, ne pouvant se contenter de moins, puisqu'il n'y a rien de digne de Dieu en dehors de notre Seigneur. Je sentais que le nom auguste et glorieux de Jésus était si puissant sur l'esprit des bienheureux, que s'ils eussent pu s'abîmer pour obtenir ce que je demandais, ils l'eussent fait de tout leur cœur et de toute leur force. Je les voyais qui disaient, « Hélas, c'est celui à qui nous devons tout ce que nous sommes. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et que nous possédons la gloire. » Et alors ils suppliaient Dieu par tout eux-mêmes. Ce n'est ni du cœur, ni de la bouche qu'ils prient. On ne voit pas cette distinction dans la gloire. C'est de tout leur être et de toute leur substance. C'est d'une ardeur, d'un zèle, d'une application qu'on ne saurait exprimer. Je comprenais par là la grande puissance de Jésus mon amour. J'entendais qu'il suffisait de prononcer ce grand nom pour faire ce qu'on voulait du paradis. C'était assez de le redire, pour faire tressaillir de joie tous les bienheureux, et pour obtenir de tout ce qu'on désirait. Ô grand saint, je vous demande miséricorde par Jésus-Christ. Obtenez de Dieu qu'il ne m'abandonne pas pour mes énormes fautes, car je mourrais plutôt cent mille fois que d'y retomber jamais. Si je n'avais expérience du grand amour de mon Jésus, je ne saurais que penser des volontés de Dieu sur moi, tant je suis redevable à sa justice. J'ai remarqué qu'aussitôt que j'ai donné ma messe aux saints, pour l'offrir à Dieu en leurs intentions, je les sens en moi se répandre en louanges et lui présenter ce sacrifice, où ils trouvent des hommages dignes de lui. J'ai connu par là que leur principal et premier désir est de s'épancher tout en louanges de notre Dieu. Je suis ravi de le savoir, afin d'offrir désormais le saint sacrifice en cette intention. Il est impossible d'être uni à Jésus-Christ sans avoir en même temps une liaison bien étroite avec les saints. Comme ils forment en eux un seul corps dont il est le divin chef, il n'est jamais séparé de ses membres. De sorte que si son amour le porte à se rendre présent réellement aux âmes, C'est toujours avec ces cinq qui l'accompagnent et qui les renferment en lui par une admirable unité. Quelle dignité que celle des chrétiens! Ah, s'ils savaient estimer leur bonheur! Quel avantage de porter en soi le royaume de Dieu! Pour moi, il me semble que rien ne me manque maintenant avec cette grâce. J'ai un royaume qui ne peut être ravi. Je possède mille fois plus que le monde. Rien ne peut être comparé à mon bonheur. La Toussaint. C'est ce mystère qui rend le corps de notre Seigneur parfait, c'est ce jour qui le met dans le point de son dernier achèvement, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. En cette solennité, le Fils de Dieu se fait voir accompli dans ses membres. Il paraît comme un homme parfait, en qui toutes les parties de son corps glorieux sont portées à leur achèvement, car tous ses membres paraissent en ce jour comme au saint jour de l'éternité selon que le Père éternel les portait dans son sein, et qu'il les avait formés en ses divines idées et en ses desseins éternels. C'est ce Christ accompli en qui Dieu le Père prend toutes ses complaisances et dont il était dit que Dieu de toute éternité prenait ses délices en lui. Le paradis de Dieu est, pour ainsi dire, le cœur de l'homme. Proverbe 7, 31. Jésus-Christ comme chef n'est pas parfait ni accompli, s'il n'est uni à tous ses membres, et, quoiqu'il soit glorieux en sa résurrection et même accompagné des prémices des saints en son ascension, il n'est pourtant accompli dans l'étendue de sa perfection que dans la multitude de ses membres entiers qui sont tous les saints ensemble. C'est pourquoi il faut beaucoup honorer et respecter tout ce corps adorable de Jésus-Christ et de ses membres dans toute l'étendue de leur gloire, en laquelle ils paraissent aujourd'hui. Cette fête lui est encore très glorieuse à cause qu'elle manifeste la vie qui est cachée en lui et qu'elle explique ce qu'il est en son intérieur. Sa vie était renfermée auparavant en lui-même, son intérieur n'était connu que de lui seul et de son Père, et l'étendue de son âme n'était point découverte ni manifestée au dehors. Mais en ce jour de tous les saints son intérieur se manifeste, il s'explique en toute son étendue, il se découvre, et se dilate en eux, et ces divins parfums qui étaient renfermés dans son sein et dont l'odeur n'était point connue, se répandent dans toute l'Église, et se font sentir jusque devant le trône de Dieu, où ils montent en odeur de suavité. C'est ce qui fait que cette solennité est une fête bien glorieuse à Jésus-Christ dont les richesses paraissent tant de saints, desquelles toute l'excellence n'est rien qu'une émanation partagée de son esprit répandu en eux tous. Cette fête est encore la fête du Saint-Esprit. En effet, premièrement, c'est dans ces saints comme dans ces temples qu'il s'explique de son amour. Deuxièmement, c'est dans cette société bienheureuse réduite par lui à l'unité, qu'il fait rendre à Dieu le Père tous les devoirs des créatures. Troisièmement, en les consommant tous à la gloire de Dieu dans son feu divin, pour n'en faire qu'une victime sainte, et digne de Dieu même, il fait que Dieu reçoit tout ce qu'il peut attendre de sa créature, savoir qu'elle s'anéantisse pour lui et qu'elle se perde en lui-même pour sa louange et pour sa gloire. C'est l'état où il faut que vous désiriez beaucoup d'entrer, et après lequel vous soupirez durant toute cette octave. Vous pourrez pour cela adorer avec une profonde vénération cette vie de Dieu répandue dans tous les saints, vous honorerez Jésus-Christ les animant tous et les consommant par son divin esprit pour ne faire de tout qu'une seule chose en lui. Que d'admirables opérations de ce divin esprit en eux, que de merveilles et de prodiges, oh! La pure et la sainte religion que celle qu'il répand dans ses âmes, il est en elle comme dans des temples de sainteté où Dieu désire d'être honoré, il y est comme en des murailles vivantes et susceptibles des louanges divines, les remplissant de tous les honneurs que cette adorable majesté veut recevoir en eux. C'est lui qui est en eux le chantre des louanges divines, c'est lui qui leur met tous leurs cantiques en la bouche, C'est par lui que tous les saints le louent et le loueront dans toute l'éternité. C'est ce qui mérite nos adorations et nos respects, et ce qui vous servira d'occupation dans votre oraison. Vous y admirerez aussi et honorerez l'état des bienheureux, qui n'ont rien d'eux-mêmes, qui sont tous videux, qui sont plus en Dieu qu'en eux-mêmes, estimant infiniment ce bonheur qui les met en participation intime de l'être divin, et qui les rend vivants de sa vie divine. Vous louerez Dieu de ce chef-d'œuvre, et d'avoir voulu faire ce grand bien à nos frères de les rendre ainsi participants de lui. De Saint Joseph. Le jour de Saint Joseph, Dieu daigna me dire, « Voici ma grande fête », il me faisait entendre par là qu'il avait paru en la personne de ce glorieux patriarche, qu'il lui avait accordé une participation abondante de son esprit de père, et lui avait donné, pour conduire la sagesse éternelle, une sagesse et une lumière admirables. Car si Dieu commet à la conduite et à la protection des royaumes, des anges des premiers ordres, si même il députe de ses purs esprits pour la conduite des sphères célestes, quelle doit être la grandeur d'un saint auquel il commet la conduite de son Fils, qui lui est infiniment plus cher que 100 000 mondes et que 100 000 millions de royaumes. Quelle lumière pour diriger ce Fils dont tous les mouvements et tous les pas étaient si précieux. L'on dit que la très sainte Vierge avait toujours Dieu devant les yeux, et qu'elle aurait été quelquefois favorisée de la vision béatifique à cause de son Fils. Le même motif nous oblige à penser que le grand Saint Joseph, qui était chargé de la conduite de l'enfant Dieu, et qui devait le porter à l'accomplissement de tous les desseins de son Père, était lui-même éclairé de la lumière d'en haut pour agir en tout selon l'Esprit de Dieu. Il y a plus, je vais dire une chose qui me paraît étrange, c'est que la lumière donnée à Saint Joseph pour la conduite du Fils de Dieu, sans être de la nature de celle de la Sainte Vierge, devait être infaillible. Car autrement Jésus obéissant à Saint Joseph aurait été exposé, ou à manquer à son devoir et au dessein de Dieu sur lui, ou à désobéir à celui qui tenait la place de son Père, et dont il est dit expressément qu'il suivait toutes les volontés, et il leur était soumis. Luc 2:51. Le divin enfant aurait été de pire condition que les anges inférieurs. Ils sont soumis à leur supérieur avec une entière confiance, ils reçoivent d'eux des lumières assurées, certaines, infaillibles, dans toute leur conduite, quoiqu'elles ne soient pas importantes comme celles du Fils de Dieu. Or si les anges, parce qu'ils sont glorieux, ont des supérieurs doués d'une lumière de gloire, quelle doit être la lumière de Saint Joseph destinée à conduire le roi de gloire, et à gouverner la très sainte Vierge sa mère? Ce grand saint est donc rempli d'une admirable sagesse puisque Dieu lui commet la conduite de la sagesse même, et si l'on reçoit des grâces à proportion des emplois auxquels on est appelé, quelle aura donc été la lumière à laquelle la sagesse éternelle a bien voulu être soumise? Il plut à la bonté de Dieu de me dire, le jour de la fête du chef de la Sainte Famille, qu'il avait été pour Jésus-Christ ce que Moïse avait été pour le peuple d'Israël. Ô sagesse infinie, si le conducteur de votre peuple a eu avec vous de si intimes communications parce qu'il devait diriger la figure de votre Fils, qu'en sera-t-il donc de celui qui conduira ce Fils en sa propre personne? Si celui qui a porté la loi de mort a été dans la gloire, durant sa vie mortelle, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient soutenir l'éclat de son visage, qu'en sera-t-il de celui qui a porté dans ses bras la loi de la vie et de l'esprit? Sans doute il jouissait d'une contemplation admirable et d'une vue sublime de Dieu. Je rapporte cette pensée et je tire cette conséquence par mes propres lumières, qui sont toutefois, ce me semble, les lumières de la foi, car je ne sens aucune activité ni travail de mon esprit pour produire ces choses. Je laisse à mon directeur à en juger. Ce grand Dieu me montrait encore que comme Moïse avait retiré de l'Égypte le peuple d'Israël, ainsi Saint Joseph en avait ramené notre Seigneur. Il me confirma cette vue par ces paroles de Saint Matthieu, prises du prophète Osée, « J'ai appelé mon fils de l'Égypte, Matthieu 2, 15, paroles dans lesquelles le peuple hébreu est appelé fils de Dieu, en figure de Jésus-Christ. Puisque le saint patriarche de la loi nouvelle est donné au fils de Dieu comme le représentant et le portrait du Père céleste, quelle idée ne doit-on pas se faire de son éminente sainteté et de ses inconcevables perfections? Sans doute son port extérieur était grave et modeste, d'une composition admirable et d'une beauté sans pareille, car si toute chose sur la terre, dans les cieux, dans le monde entier, sont si belles, si rares, si merveilleuses, parce que Dieu a tout composé avec nombre, poids et mesure, et que cet univers représente sa beauté, quelle doit être l'heureuse créature qu'il a formée de ses mains, pour mettre toujours devant les yeux de son fils son vrai portrait, un sujet de satisfaction dans le temps de l'absence, et un soulagement dans les années de pèlerinage. Ce n'est pas tout, ce monde, avec toutes ses beautés, ne présente aux hommes que les grandeurs de Dieu comme être souverain et parfait en son essence, c'est-à-dire comme bon, grand, sage, infini. Mais Saint Joseph le figure avec les attraits et les charmes de Perret, le représentant à Jésus-Christ en cette qualité, il porte en lui-même les traits amoureux, les charmes, les douceurs qui lui conviennent à ce titre. Quel objet de complaisance pour Jésus-Christ, que de caresses, que de sentiments d'amoureuse tendresse, ô grand saint, que, vous êtes heureux de fournir une si belle matière à l'amour de Jésus. Ô Jésus, que, vous êtes satisfait d'avoir devant les yeux de quoi contenter votre amour. Heureux Joseph, heureux Jésus. Heureux Joseph de fournir à Jésus le juste sujet de ses délices. Heureux Jésus de trouver en Joseph l'objet de ses saintes complaisances. Les yeux de votre esprit voient en lui l'esprit de votre Père, et les yeux de votre corps voient en lui une image sensible de sa beauté. Ainsi en lui vous trouvez votre parfait contentement. Je ne m'étonne pas si vous en êtes inséparables. Sa maison vous est un paradis, et son sein le sein de votre Père. Hors de cette maison, vous ne trouvez que des objets funestes, des pécheurs, triste cause de votre mort. En cette maison, qui est aussi la maison de Marie, vous trouvez les sujets les plus délicieux de votre joie, les saintes sources de votre vie. Vous ne sortiez jamais de ce lieu béni que pour aller dans le temple, et le monde ne savait pas que, tandis que le temple n'était qu'une figure morte du sein de votre Père, Saint Joseph en était une figure vivante, le lieu de votre repos et de vos délices. Père adorable de mon Jésus, vous me découvrîtes dès la veille de Saint Joseph, que, vous lui aviez abondamment communiqué votre esprit de Père. Il n'est pas l'image de votre fécondité, cette image est la Sainte Vierge. Mais il est celle de votre sagesse et de votre conduite divine. Pour me le faire entendre, vous avez daigné me confirmer en paroles que vous m'aviez dites autrefois, le jour de Saint Joseph. C'est ici le jour de ma fête. En effet, comme on célèbre le mystère de l'incarnation 6 jours après, ce Père adorable a voulu avoir ces 6 jours, pour se faire honorer lui-même, avant celui de sa grande libéralité. Et parce qu'il est invisible, il se donne à honorer dans son portrait visible le plus achevé. Ce portrait est Saint Joseph. Avec la Sainte Vierge, dont on célèbre la maternité au jour de l'incarnation, il représente parfaitement au monde la dignité du Père, Marie montre sa fécondité et sa sainteté, et Joseph sa grande sagesse et sa conduite divine. Ces paroles de David, le Seigneur accorde à son peuple la puissance, le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Psaume 27, 8, m'était mis en la bouche. Je ne savais d'abord pourquoi, mais j'ai vu bientôt qu'elle s'appliquait parfaitement à Saint Joseph, le protecteur de l'enfant Jésus dans sa fuite en Égypte, et sa sauvegarde dans ses premières années. Portant ensuite le Saint-Sacrement à un malade, on me disait intérieurement ces paroles, « Vous êtes l'appui du juste sur la croix. » Et j'entendais que je devais, en ce jour, représenter Saint Joseph, le conducteur du juste, en portant le Fils de Dieu, comme il l'avait souvent porté lui-même pendant sa vie. Je recevais en même temps de la Sainte Vierge de très grands témoignages d'amour, et elle me montrait la part qu'elle prenait aux honneurs rendus à son époux. Comme je désirais ensuite offrir le Saint Sacrifice pour remercier Dieu des faveurs qu'il avait faites à Saint Joseph, je voyais qu'il fallait l'offrir en action de grâce pour les biens accordés à Jésus, à Marie et à Joseph tous ensemble et que leur honneur était inséparable. Saint Joseph, ayant été choisi de Dieu pour être son image envers son Fils unique, n'a point été établi pour aucune fonction publique dans l'Église de Dieu, mais seulement pour exprimer sa pureté et sa sainteté incomparable qui le sépare de toute créature visible, de là vient qu'il est le patron des âmes cachées et inconnues. Autre est la fonction de Saint Pierre sur l'Église, autres sont les opérations de Saint Joseph. Saint Pierre est établi extérieurement pour la discipline, pour le gouvernement, pour la doctrine, et influe sur les prélats et sur les ministres de l'Église. Saint Joseph, au contraire, qui est un saint caché et sans fonctions extérieures, est établi pour communiquer intérieurement la vie suréminente qu'il reçoit du Père. Ce saint est le patron des âmes élevées à la pureté et à la sainteté de Dieu, tant de celles qui sont intimement liées à Jésus-Christ et auxquelles il communique sa tendresse pour cet aimable Sauveur, que de celles qui sont appliquées à Dieu le Père dont Saint Joseph est la figure. C'est un saint caché que Dieu a voulu tenir secret pendant sa vie, et dont il s'est réservé à lui seul les occupations intérieures sans les partager aux soins extérieurs de l'Église. Un saint que Dieu a manifesté au fond des cœurs et dont il a lui-même inspiré la vénération dans l'intérieur des âmes. Et comme Saint Joseph s'est appliqué à Dieu seul pendant sa vie, Dieu s'est réservé à lui-même de le manifester et d'en inspirer l'estime, le culte et la vénération. Comme image du Père éternel où aboutit toute prière et qui est le terme de toute notre religion, Saint Joseph doit être le tabernacle universel de l'Église, c'est pourquoi l'âme unie intérieurement à Jésus-Christ, tant qu'elle sera sur la terre, sera remplie d'amour, de respect, de tendresse pour Saint Joseph, à l'imitation de Jésus-Christ vivant sur la terre, car telles étaient les inclinations et les dispositions de Jésus-Christ. Il allait aimer avec tendresse Dieu le Père dans Saint Joseph, et l'adorer sous cette image vivante où il habitait réellement. C'est à nous à suivre cette conduite et aller ainsi chercher notre Père en ce saint. C'est en lui que nous devons aller voir, contempler, adorer toutes les perfections divines, dont l'assemblage nous rendra parfaits, comme notre Père céleste est parfait. Nous apprenons par ce saint qu'on peut ressembler à Dieu le Père et être parfait sur la terre comme il l'est dans le ciel. Et parce qu'en Dieu le Père Saint Joseph est source de tout bien et de toute miséricorde, on dit de ce saint qu'on ne lui demande rien qu'on ne l'obtienne. Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est la lumière avant-courrière de Jésus-Christ, le soleil de justice, et Saint Jean l'Évangéliste, qui subsiste après sa mort et son coucher, est comme une étoile du soir qui lui après le coucher du soleil et qui publie encore que le soleil ne fait que se cacher. Saint Jean se nomme la voix et la voix de la parole. Animé du pur amour, il ne cherche point à s'établir lui-même, mais à établir en estime celui qu'il aime, il ne cherche point à paraître et à subsister, mais à faire paraître et faire subsister son amant. C'est pourquoi saint Jean dit qu'il n'est que la voix laquelle ne sert que pour faire entendre la parole qui demeure et subsiste en l'esprit, pendant que le souvenir de la voix périt, s'évanouit, s'anéantit après qu'elle a produit et poussé la parole. Ainsi saint Jean-Baptiste est celui qui est la voix, qui se fait entendre pour prononcer une parole, pour engendrer et enfanter notre Seigneur, pour imprimer sa connaissance dans le cœur des Juifs, par l'oubli éternel de sa propre personne. C'est là le vrai esprit de servitude qui fait que le vrai serviteur s'oublie et ne songe point à soi, et ne pense qu'à son maître. Ô mon Jésus et mon Sauveur, qu'il en soit de la sorte, que jamais je ne pense à moi seul, mais toujours à vous seul, et si jamais je m'aperçois et me regarde, que ce soit par rapport à vous, pour vous glorifier, vous honorer à tout jamais, et pour perdre ma vie, ma joie, ma gloire en vous, ô mon Jésus qui est toute ma vie, ma joie, ma gloire, et mon tout à tout jamais. Saint Jean fut un homme envoyé de Dieu, pour préparer les hommes à la connaissance de son Fils et le leur montrer au doigt. Pour cela même il lui donna cette haute créance parmi les peuples, afin qu'ils fussent plus aisément persuadés des témoignages qu'il rendrait à Jésus-Christ notre Seigneur. Et il faut remarquer que Dieu lui donna cette créance de sainteté, sans l'avoir auparavant établie par des miracles, et cela par la conduite d'une sagesse merveilleuse, comme je le viens d'apprendre par la bonté de Dieu. C'est qu'il fallait que notre Seigneur fît des miracles et parut porter en soi une divinité toute puissante, qui dispense de tout selon son bon plaisir. Saint Jean, ce grand apôtre et missionnaire du Père, homme envoyé de Dieu, Jean 1, 6, prêchait puissamment la pénitence et faisait faire les confessions publiques au peuple, Néhémie 9, 2. Comme le remarque l'Évangile. C'était afin qu'ils fussent prêts à recevoir la connaissance de Jésus-Christ et puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit par les mains du Seigneur qui venait après lui. La prédication de ce grand saint est animée d'un feu et d'un zèle admirable. C'est pour cela que notre Seigneur dit qu'il vient devant lui dans le zèle et la vertu d'Élie. Car si Élie paraît en feu après sa mort, notre Seigneur dit de saint Jean pendant sa vie qu'il est un flambeau lumineux et ardent. C'est une lampe qui éclaire continuellement le Fils de Dieu, qui brûle incessamment devant lui, comme celle de nos églises devant le très saint sacrement. Celle-ci éclaire et luise devant lui, et saint Jean le fait paraître et le découvre autant qu'il peut. Il le montre au doigt, il en dit des merveilles, il en promet des effets très excellents, comme la rémission des péchés. Cette lampe est aussi ardente que luisante, car non seulement il brûle du feu de l'amour pour Dieu, mais même il en consume les autres, soit en instruisant ses disciples, soit en portant les ennemis de Jésus-Christ à pénitence. Élie ne peut souffrir les faux prophètes, il les poursuit, il les maudit, il les bafoue. Saint Jean interpelle durement les pharisiens, il les appelle engeants de vipères. Élie poursuit Achab et Jézabel et leur livre la guerre pour leur injuste usurpation, et saint Jean attaque Hérode et Hérodiade pour soutenir la vérité du Dieu qu'il avait envoyé, et maintenir le sacrement institué par lui au premier jour du monde. L'homme demeurera attaché et uni à sa femme et ils ne feront qu'un. Enfin il meurt martyr pour la cause de Dieu le Père, comme les apôtres meurent martyrs pour la cause de Jésus qui les avait choisis. Ce grand saint meurt enfin comme il le prophétise, il faut que je sois amoindri, avili, anéanti, ou mon grand maître doit être rehaussé, exalté. Et ici paraît la qualité du véritable serviteur qui n'a point d'intérêt que celui de son maître, qui est ravi de périr pourvu que son maître soit exalté, qui se réjouit d'être anéanti pourvu que son maître soit dans la gloire. Des saints apôtres. Pendant ma retraite, à l'occasion de la fête de Saint Jacques, je voyais quel est l'esprit d'apôtre, et j'apercevais que c'était l'esprit même de Jésus-Christ. Les apôtres sont notre Seigneur 12 fois multipliés, ils ont part aux grâces de tous ces mystères. Il en est deux comme de 16 anciens du peuple, au sujet desquels Dieu dit à Moïse, « Je prendrai de ton esprit et je le répandrai sur eux. » Nombre 11-17. Ces 12 juges, qui doivent juger les 12 tribus d'Israël, ont reçu l'esprit de leur divin maître. Nous avons reçu de sa plénitude, disait Saint Jean, 1-16. Aussi ne sont-ils pas de simples truchements, ou même des prophètes, qui découvrent les secrets de Dieu et les mystères de Jésus-Christ, ils sont aussi les dispensateurs de la grâce de ces mystères. Ils ont eu grande part au mystère de l'ascension, ils sont entrés en communion de Jésus-Christ ressuscité et monté dans les cieux. Ils ont reçu les prémices de son esprit, comme celle de son corps et de son sang, ils ont le pouvoir de communiquer cet esprit et de remplir les âmes de ses dons. Tout animés de charité pour Jésus et pour Dieu, ils vont partout, comme des feux puissants, porter l'amour et la lumière, lampes ardentes et lumineuses, ils éclairent et ils échauffent en même temps tout l'univers. Ces flambeaux célestes, ces messagers de Dieu, ces hommes de flamme ne songent qu'à prêcher Jésus-Christ en tout lieu, sans attache et sans préoccupation pour leur personne et pour leur vie, ils ne pensent qu'à porter Dieu partout où les pousse l'impétuosité de l'esprit. Saint Pierre. Ce grand saint est celui à qui notre Seigneur a versé en abondance la plénitude de son esprit, l'ayant choisi pour le revêtir des dignités les plus hautes qui fussent en sa personne, car que possède Jésus-Christ notre Seigneur de plus grand, plus haut et plus magnifique que les dignités de fondement, de chef, de pasteur, de prince, de roi de toute l'Église? Saint Pierre est fondement mais en Jésus-Christ seulement et à cause que Jésus-Christ réside en lui, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3:11. Ce fondement est ferme, il est inébranlable, mais en Jésus-Christ, et tout l'enfer ne peut ébranler en Saint Pierre ce qu'une petite servante avait pu renverser sans Jésus-Christ. C'est lui qui fortifie toute l'Église, et toi, une fois converti, confirme tes frères. Luc 22, 32. La foi est si ferme en lui que pour dire une vraie croyance, une foi assurée, c'est assez de dire, je crois avec Saint Pierre, je crois comme Saint Pierre. Pour cela même il a eu cette prérogative sur les autres apôtres d'avoir oui de la bouche de Jésus-Christ, tu es heureux, Simon Barjona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux, Matthieu 16, 17, et cela par providence, pour confirmer l'Église et l'assurer dans sa foi, car il lui disait par là qu'étant conforme à celle de Saint Pierre, elle était assurée, étant celle que le Père lui avait révélée. Ayons recours à lui dans nos erreurs et nos ténèbres. C'est l'astre de l'Église qui l'éclaire en son obscurité, et ce fondement contient la vérité qui est fondement de toute sainteté. Saint Pierre n'est pas seulement fondement mais encore pasteur dont l'office et la fonction est de défendre ses brebis de la malice du démon. Ne l'a-t-il pas fait depuis sa création jusqu'à maintenant? Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Matthieu 16, 18. Les Romains avaient toute la terre en leur puissance et ce qui leur restait d'ennemis n'était pas assez hardi pour les attaquer dans leur triomphe. Et pourtant cet empire est par terre, il n'en reste plus rien, une pierre a démoli toute la ville, elle a ruiné la République. C'est cette petite pierre qui descendit de la montagne de Daniel et qui frappa le pied de la statue insolente et superbe de Nabucodonosor, la renversa par terre et la brisa en pièces. C'est cette pierre qui seule s'est défendue contre toute la terre, contre tous les démons et tout l'enfer. Rien n'a été capable de l'ébranler. Saint Pierre est en possession d'une sainte lumière de Dieu qui est le fondement de l'Église, c'est la roche, c'est l'hypostase qui la soutient, de même que l'hypostase de la sagesse soutient l'humanité en Jésus-Christ, de même la lumière de Jésus-Christ en Saint Pierre soutient toute l'Église. Dans le séminaire et la paroisse de Saint-Sulpice, nous avons pour apôtre Saint Pierre. Il est le seul qui distribue la vie qu'il a reçue de Jésus-Christ, soit pour les peuples, soit pour le clergé. C'est à nous tenir envers lui dans des sentiments de grande confiance, et à nous estimer heureux que la bonté de Dieu nous y oblige, en tenant l'image de ce grand saint continuellement exposé dessus l'autel, comme premier patron et titulaire de l'église de Saint-Sulpice. Les autres séminaires sont liés à messieurs les prélats qui sont autant d'apôtres et de sources sacrées, qui répandent la vie de Dieu en leur clergé, sans quoi tout serait languissant et n'aurait ni zèle ni vigueur. Celui de Saint-Sulpice est lié par l'ordre de la bonté de Dieu au divin apostolat de Saint-Pierre pour puiser en lui son esprit et goûter quelque chose de cette plénitude d'esprit et de cette grâce capitale qui est en lui pour le distribuer par tout le monde. Comme l'unique apôtre de l'Église, le pape succède à la plénitude de l'esprit de son prédécesseur, et sans chercher ailleurs qu'en lui sa lumière, il a suffisamment de quoi éclairer toute l'Église. Celui qui n'a pas une même doctrine avec Saint-Pierre et son successeur n'est pas véritable enfant de l'Église. Saint Jean l'Évangéliste. Saint Jean est le cœur de l'Église et Saint-Pierre en est le chef. Et pour cela Saint Jean repose dans la scène sur le cœur de Jésus-Christ et Saint Pierre dit à Jésus-Christ qu'il lui lave les pieds pour lui mériter l'humilité nécessaire à sa condition de chef, « Lavez-moi, non seulement les pieds, mais le chef, ne sachant ce qu'il disait, ni pourquoi le Saint-Esprit lui faisait répondre de la sorte. Le cœur est le premier vivant et le dernier mourant. » Ainsi Saint Jean est le dernier vivant des apôtres, et il fut aussi le premier vivant, le premier éclairé et illuminé. Comme le chef tire la vie du cœur, Saint Pierre puise souvent de lui la lumière, l'interrogeant et lui demandant lumière de ce qu'il ne voyait et ne connaissait pas. C'était une correspondance parfaite entre les deux. La vie de Saint Jean était cachée comme celle du cœur, et celle de Saint-Pierre était visible et éclatante comme celle du chef, et comme il appartient au chef de parler et de se faire entendre, Saint-Pierre était celui qui prononçait les oracles et exposait extérieurement ce qu'il avait tiré intérieurement et secrètement de Saint-Jean. Ce saint évangéliste avait reçu de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge les secrets des pensées divines. L'amour du Fils de Dieu pour son Père l'a fait descendre en terre et se revêtir de notre chair, il lui a fait prendre les titres de créature, de serviteur, d'hostie et tous les autres qui lui permettent de rendre à la souveraine majesté les devoirs les plus parfaits de la religion avant la plus profonde. Mais, en qualité de Messie, il ne pouvait pas, durant sa vie, faire paraître aux yeux des hommes ce qu'il était à sa divine mère, et lui rendre publiquement les témoignages de l'amour dont son cœur était rempli pour elle. Il s'est même souvent abstenu de la nommer sa mère. Après sa mort au contraire, empruntant l'extérieur de son disciple bien-aimé, Il cesse sans lui, pour ainsi dire, de paraître Messie et Fils de Dieu, pour témoigner à Marie tout son amour et prendre à son égard toutes les qualités que le respect et la tendresse peuvent former en son cœur. Il devient en la personne de Saint Jean son serviteur, son fils, son frère, son époux et son père. Après cela, que ne s'est-il pas passé, pour Marie, dans le cœur du disciple bien-aimé? Quel amour n'a-t-il pas éprouvé pour elle, puisqu'il est tout Jésus pour sa sainte mère? Ce n'est pas sans raison que le divin Sauveur, à la dernière scène, le transforma en sa personne, plus que les autres apôtres, en même temps qu'il l'éclairait sur l'amour qu'il portait à son Père éternel, il l'instruisait de l'amour admirable qu'il avait pour sa mère, amour qu'il n'avait pas manifesté extérieurement pendant sa vie. Pour nous en donner connaissance, il en remplit le cœur de son heureux disciple, qui devient ainsi son supplément. Notre Seigneur lui apprend, en même temps, qu'il le laisse à sa sainte mère, pour offrir tous les jours le divin sacrifice en ses intentions, parce qu'elle était chargée de toute l'œuvre de l'Église. En effet, Jésus-Christ prétend que tout ce qui peut procurer la gloire de Dieu, soit accompli en sa mère et par sa mère. Or, comme d'un côté la très sainte Vierge, non plus que les autres saints, ne peut rien qu'en son Fils, et n'obtient ses demandes que par la victime du calvaire, et que, de l'autre, son sexe ne lui permet pas d'être élevé au sacerdoce, Saint Jean lui est laissé pour offrir le saint sacrifice dans tous ses desseins. Ainsi il n'est plus au monde pour lui-même, mais pour elle seule. Aux heureuses conditions de n'être rien en soi ni pour soi, mais d'être seulement la Sainte Vierge et pour la Sainte Vierge. Heureuse perte que celle de Saint Jean en cette divine mère. Quelle faveur ne reçoit-il pas en cette admirable union? Il est destiné à être le coadjuteur du saint ouvrage de l'Église, il entre dans toutes les intentions dont est chargée Marie. Il n'est qu'un avec elle. Pour obéir au saint amour, il faut qu'il vive en elle, y rencontrant un fond immense de douceur, de bonté, de beauté et de toute excellence divine. Il se perd à tout moment dans ses abîmes insondables, et comment cette âme ainsi perdue aurait-elle pu retourner en elle-même et vivre en joie hors de ce paradis? Sa vie était une sorte de miracle. Dieu disait à Moïse, « Personne ne me verra et vivra », Exode 33, 20, parce que ses charmes tout-puissants ne permettent pas à l'âme qui en a joui, de conserver encore des facultés pour animer le corps. Aussi était-ce un vrai prodige que Saint Jean ne mourut pas, après avoir pénétré dans cet intérieur de Marie, rempli de la divinité et de l'expression de ses plus grandes beautés. Que peu de personnes entendent ce que c'est que d'avoir accès à ce divin trésor, à ce saint tabernacle, et c'était la retraite ordinaire de notre saint. Mais s'il ne se possédait plus lorsqu'il trouvait en Marie l'image du Père éternel formé pour son divin Fils, qu'en était-il de lui lorsque, animé de l'Esprit de notre Seigneur, il participait à l'amour de Jésus pour sa mère? Qu'il est admirable ce grand saint, il participe à ce que Jésus-Christ a et opère de plus parfait, de plus fort et de plus éminent dans son Église. Ô heureux apôtre, vous n'êtes pas seulement le confident et le témoin de l'amour de Dieu envers Marie, comme un saint Gabriel, mais vous êtes encore le porteur de cet amour et le canal de cette grâce. Saint Paul, après avoir ouï les paroles que Dieu adresse à ses élus dans le ciel, dit qu'il n'est pas possible de les révéler au monde. Grand saint, que n'entendez-vous pas dans ce beau ciel de la terre? L'amour du Père et du Fils y dit des choses si divines, que toute leur communication à l'Église triomphante n'approche pas des moindres effets qu'ils produisent dans le cœur de la Sainte Vierge. Ô chers disciples de Jésus, Ce n'est pas sans raison que vous êtes appelé le disciple bien-aimé, si l'on estime si justement saint Pierre, parce qu'il est l'image de Jésus-Christ époux de son Église, combien vous doit-on estimer, vous, l'organe et la figure vivante de Jésus époux de la très sainte Vierge. Les paroles de saint Pierre pour l'Église se font entendre au ciel et sur la terre, les vôtres sont les paroles de Jésus-Christ même, qui remplit le sein de Dieu et celui de Marie. J'ai vu la Sainte Vierge passant 15 ans à adorer dans le Père les mystères de son Fils, 33 ans à converser avec ce Fils pendant qu'il opérait ses mystères, et 15 ou 20 ans à recevoir les fruits de ces mêmes mystères par Jésus vivant en Saint Jean. Les grâces dont elle était comblée en ces derniers temps étaient bien plus fécondes que pendant la vie de son Fils sur la terre, car, depuis sa résurrection, Jésus était en état de se communiquer plus abondamment aux âmes. Ainsi notre Seigneur, en Saint Jean, semblait témoigner plus d'amour à sa mère qu'il ne lui en avait témoigné par lui-même. Il était en ce grand saint tout communication, tout feu, tout lumière. Cet heureux disciple était plein de lui, et il aimait Marie du même amour dont Jésus l'aime lui-même. Saint Jean fut changé en notre Seigneur, et donné à Marie pour lui continuer la présence de son Fils ressuscité, sans quoi elle eût été inconsolable, car quoique résignée à la volonté de Dieu, l'amour ne peut supporter sans violence et sans peine l'absence de l'objet aimé. Et parce que c'est l'irriter, que de ne lui donner qu'un portrait au lieu de la réalité, Saint Jean fut converti intérieurement en notre Seigneur qui habitait en lui. De plus, servant de chapelain à Marie, il lui donnait, sous les saintes espèces, ce cher Fils sans lequel elle ne pouvait vivre. Je voyais encore comment les supérieurs, dans l'Église, devaient prendre Saint Jean pour modèle, ne gouvernant qu'en Jésus-Christ. Il me semblait voir ce grand saint tout animé, vivifié et conduit par ce divin sauveur qui était, pour ainsi dire, son être et son âme. Tout misérable que je suis, je sens en moi la même conduite. À peine puis-je agir autrement qu'en ce divin principe, qui est en moi plus que moi-même. Il est tout mon intérieur. Ô être divin, abîmez en vous tout mon être, sans souffrir jamais qu'il sorte de vous. Saint Augustin. Saint Augustin me parut comme un saint qui comprenait en soi les hautes hiérarchies des chérubins et des séraphins, n'étant pas une lumière sans feu et un feu sans lumière, mais possédant les deux plus grands dons de Dieu. Il nous présente une parfaite ressemblance de la divinité en sa génération et procession éternelle. Dieu prend ainsi plaisir que son Fils Jésus-Christ paraisse encore en la personne de ses saints et fasse voir en eux comme il est la plénitude de toutes les perfections répandues en la nature ou en la grâce. Dieu avait fait précéder Jésus-Christ par les plus grands génies de la nature dans les sciences et les arts libéraux, il avait fait paraître dans la loi les hommes les plus grands. Il avait fait paraître les anges dans l'éclat de leur beauté la plus parfaite pour faire voir encore que tout cela ne serait rien auprès de Jésus-Christ, car Jésus-Christ devait renfermer toute perfection infiniment, ayant plus d'amour que les séraphins d'Élie, plus de science de Dieu que les chérubins de Moïse sur l'arche, ayant plus de ferveur et de zèle que ceux d'Abraham et ceux de Lot sur Sodome et Gomorre, plus de force que l'ange de Perse, de véhémence que l'ange qui détruisit l'armée de Sennachérib, plus d'adresse que l'ange exterminateur, plus d'évangile à annoncer qu'un Gabriel en son ministère, plus de soins à nous diriger qu'un Raphaël, plus de protection à nous donner qu'un saint Michel. Depuis la venue de Jésus, Dieu tient la même conduite. Selon les divers besoins de l'Église, il suscite des saints qui représentent successivement quelques traits des perfections infinies du Verbe incarné. Saint Augustin et les autres saints sont des figures animées de son esprit qui font paraître, comme il lui plaît, quelques dons de sa plénitude. Quelle haute idée devons-nous avoir de Saint Augustin, éminent en amour et en science, qui fait voir les perfections de Jésus-Christ, maître des séraphins, et lumière des chérubins. Saint Martin. Me préparant à célébrer la Sainte Messe en l'honneur de Saint Martin, je me suis trouvé tout doucement occupé de lui en mon intérieur. Il me semblait que, du sein de Dieu, il m'adressait la parole et qu'il voulait s'insinuer en moi et me transformer en lui. Je me suis donné à son esprit pour offrir le saint sacrifice dans ses intentions. Il me les découvrait, elles étaient admirables et semblaient égaler celles de Jésus-Christ, car il entrait dans toutes les vues du Saint-Esprit, offrant à Dieu ce sacrifice pour l'Église entière. Quel trésor que cette hostie universelle offerte au Père éternel pour le bien de tout le monde. Je voyais donc ce saint évêque présenter cette offrande au Dieu infini, éternel, immense, qui influe sur chaque créature selon ses besoins et selon les demandes de l'Esprit de Jésus-Christ. Il offrait la sainte victime pour l'Église de la terre, pour celle du purgatoire, et même au sujet des enfers, afin que Dieu accablât et abattît la malice des démons. Il demandait aussi grâce pour toute l'Église militante. Par là j'ai appris que je devais désormais offrir la Sainte Messe en ses intentions magnifiques. Si je pouvais donner tous mes sacrifices à ce saint pontife, je le ferais volontiers, tant je l'aime et tant je serais sûr de lui procurer la joie la plus vive. Il en est de même de tous les bienheureux, entre les mains desquels j'ai le bien de remettre la Sainte Victime, le jour de leur fête. Ils me font la miséricorde de me montrer la pureté de vue avec laquelle ils la présentent à Dieu et la présentaient autrefois, quand ils étaient sur la terre. Leur bonheur est d'avoir notre Seigneur pour l'offrir au Père paternel, dans leurs intentions, en s'unissant à l'adorable victime qui les renferme toutes. Je ne puis exprimer le désir que j'éprouve d'imiter ce grand évêque. Surtout en sa petitesse et en son anéantissement, je ne puis penser à lui sans sentir en moi ses dispositions intérieures. Ma divine maîtresse m'a dit qu'elle voulait me fondre en lui. Je l'ai bien éprouvé dans mon action de grâce après la Sainte Messe. J'ai découvert en sa personne un anéantissement parfait, une religion, un respect, une révérence admirable, qui le faisait frémir quand il paraissait devant notre Seigneur, un zèle pour la gloire de Dieu, qui lui a fait démolir de nombreux temples d'idoles, enfin une vertu très rare, la simplicité. J'admire ses perfections sublimes. Dieu a, ce me semble, pour agréable que je le prenne pour patron de son œuvre, et que je la mette sous sa protection avec toutes les âmes qu'il nous a confiées. Je le vois intérieurement tendre les bras pour embrasser toute cette famille qui l'honore, le respecte et désire réveiller de tout son pouvoir le culte de sa personne. Ce sera rappelé dans l'Église la joie spirituelle qu'elle a toujours témoignée à son occasion. Je ne puis assez exprimer la confiance que j'ai en sa vertu. Je l'ai vu si petit, si vil, si méprisable aux yeux du monde, que je ne le puis exprimer. Mais, sous cet extérieur si abject et si infirme, il avait son esprit élevé en Dieu et au-dessus de toute chose plus qu'on ne saurait l'imaginer. Ce que notre Seigneur m'a fait connaître de plus grand en lui est son humilité profonde et son anéantissement. C'était le fondement de toutes les merveilles qu'il a opérées. Dieu s'en est servi pour faire une multitude de prodiges, parce qu'il était fidèle à lui renvoyer toute la gloire de ses grandes œuvres. La vue de son néant et de la majesté divine imprimait en son âme une sainte frayeur, et le tenait toujours dans un profond respect en la présence de son Dieu. Saint Benoît. Gloire de Saint Benoît. Le patriarche Saint Benoît, pour avoir sacrifié son fils, son cher Saint Maur, a reçu la bénédiction de Dieu si ample que toutes les nations ont été bénies en lui. Ce grand saint, sans perdre son cher fils et sans le voir mourir, l'a vu ressusciter en la personne de 100 000, il a eu son fils avec la bénédiction de tous les autres. Il a vu accomplir à la lettre la prophétie d'Abraham sur sa personne. Je multiplierai votre semence, postérité, comme les grains de sable de la mer et les étoiles du ciel. Genèse 32, 13. Car ce patriarche a vu en France et ailleurs, dans les provinces et les royaumes étrangers, son ordre multiplié comme les grains de sable, leurs cloîtres, leurs églises sont plutôt couverts de la cendre des morts et des reliques des corps saints que de la poussière de la terre. C'est, à vrai dire, des grains de sable sur le bord de la mer que ces religieux, car ils sont au bord de la mer sans y faire naufrage, ils sont comme les apôtres dans le monde sans toutefois être du monde, ils sont les remparts de la mer et qui empêchent les déluges dont elle inonderait la terre. Ils ne sont rien en apparence et toutefois ils sont plus forts dans la main de Dieu que cette fougue de la mer et cette rage des tempêtes qui hurlent sur leur tête. Saint Benoît sert de rempart au monde et à l'Église contre la malignité des démons et la rage de l'enfer. Ce sont ces grains de sable qui, dans leur petitesse, font croître le désespoir des diables qui se voient obligés de rompre leur orgueil au pied d'une cendre légère. Tel était le sentiment qu'avait Saint Benoît de lui-même et des siens, de même qu'Abraham, « Je ne suis que poussière et cendre », Genèse 18, 27, et c'est ce qui est tout puissant pour détruire l'arrogance du diable et chasser sa superbe. Ce grand saint n'a pas vu seulement la prophétie accomplie en ce point, mais encore dans l'autre, et les étoiles du ciel, ses enfants, sa postérité seront semblables aux astres du firmament. Et en effet, cela paraît dans le nombre des saints qui est dans cet ordre. Leur nombre est supérieur à celui des astres du firmament. Ils surpassent en lumière et en nombre 16 astres qui éclairent la nuit. Ils sont plus luisants cette fois que les soleils et plus nombreux que toutes les étoiles. Esprit de religion de Saint Benoît. Commentaire en son honneur du psaume 1er, à la gloire de Dieu, ce même jour de Saint Benoît, je voyais comme ce grand saint avait été donné de Dieu à l'Église, pour renouveler en elle son esprit de religion, et je me sentais obligé de le prier qu'il lui plût de répandre cet esprit en l'Église dans le clergé comme dans les monastères. C'est la vertu principale des chrétiens, à savoir ce grand respect de Dieu qui se témoigne par des sentiments intérieurs de l'âme profondément anéantie et par des sentiments d'amour et de louange, que l'on répand en la présence de sa divine majesté. Ce sont les deux vertus principales qu'il a plu à Dieu de me faire voir en ce grand saint. Je voyais, ce matin, un fond inépuisable d'humilité en lui pour recevoir la plénitude de son esprit. Je voyais encore ce grand esprit de louange et de psalmodie, ce grand amour de louer Dieu qu'il a laissé à son ordre comme le capital de sa vocation. Il désirait surtout que l'on soit appliqué à la psalmodie avec un zèle particulier, et il témoignait par là l'esprit de religion qui régnait en lui. Car cet esprit consiste à honorer et glorifier Dieu par tous les actes que la religion nous marque, comme l'adoration, l'amour, les louanges et autres actes qui sont tous compris dans les psaumes de David. Je vois toujours ce saint à genoux, le psautier en main, comme si je le voyais encore sur la terre priant dans l'église. C'était son occupation ordinaire en la terre, tous les jours. Il récitait le psautier, ce qui marque encore son esprit de religion et son amour des louanges vers Dieu. À ce sujet j'ai entendu le psaume Beatus vir qui non habite, par application à lui. Bienheureux est celui qui s'est séparé de bonne heure du commerce du monde, qui n'a point marché dans ses voies, ni adhéré à ses conseils, mais au contraire qui a l'esprit tendu à Dieu, comme ce saint admirable, et qui n'a de volonté que celle de son Dieu et de demeurer conforme à son divin plaisir. Mais qui a sa volonté dans la loi du Seigneur, et qui médite cette loi jour et nuit, ibidem, psaume 1, heureux l'homme qui. C'est ce qui est de particulier en ce saint, comme je l'ai marqué, de jour et de nuit il était dans la lecture de cantiques et psaumes de David. Il sera comme un arbre planté sur le rivage des eaux qui donne son fruit en sa saison. Ceci s'applique à la lettre à notre saint. Les monastères de Saint-Benoît sont partout assis au rivage des eaux, pour le sujet de la santé et de la solitude, et de plus ce patriarche est comme un bois planté au rivage des eaux qui est toujours bien arrosé, ne se sèche point par l'ardeur du soleil, et produit de très bons fruits en vertu. Cela explique la nature de la fécondité spirituelle de ce grand saint qui n'a jamais été séché par l'ardeur de la chair, mais au contraire toujours arrosé de la grâce du Saint-Esprit qui se compare à l'eau, et qui est féconde en bonnes œuvres. C'est la vertu propre du Saint-Esprit que de faire du bien, car comme il est Dieu et que partout il s'épanche, partout il répand ses faveurs. De là vient donc que le Saint-Esprit opère toujours de bonnes œuvres dans le cœur de ceux qui l'habitent. Il ne regarde point la personne à qui il fait le bien, mais il donne à chacun ce qui lui est nécessaire, il se verse dans les lieux bas et vils. C'est le propre des eaux de remplir les lieux vides et creux. Le Saint-Esprit, qui est une eau céleste, s'écoule avec plaisir et se repose avec stabilité dans les cœurs humbles, ce qui faisait que saint Benoît était plein du Saint-Esprit, car les eaux divines coulaient toujours dans ses racines. L'eau qui descend sur les feuilles ne fait pas grand effet en un arbre, elle coule aussitôt ou se dessèche sur la feuille sans pénétrer dans l'arbre, à cause qu'elle est exposée à l'air et aux grandes chaleurs du soleil. Au contraire, l'eau qui s'en va dans la racine nourrit le tronc de l'arbre, et le pénètre, elle se répand intérieurement partout et monte même jusqu'aux plus hautes branches, elle soutient les feuilles qui ne dessèchent point par l'ardeur du soleil. C'est ce que veut dire le psalmiste parlant du juste et en particulier de notre saint qui est planté au rivage des eaux qui est le Saint-Esprit. Il fait découler ses eaux dans l'âme de ce saint et les écoule en lui à ses racines à cause du grand fond d'humilité qui était dans lui. Son feuillage ne se flétrira pas, tout ce qu'il fera, réussira. Psaume 1:3. Cette parole se vérifie encore pour notre saint, pas une feuille ne tombera, c'est-à-dire pas un des cinq qui servent d'ornement à sa gloire, qui sont comme des apanages de sa beauté, ne déchoira de sa béatitude. Ceux qui auront été animés de sa charité et de son même esprit, ceux qui auront vécu comme lui sont bien assurés qu'ils iront à jamais dans le paradis et que pas un ne périra. Saint Sulpice. La Sainte Église, pleine de religion envers Jésus-Christ et de charité envers ses membres et ses enfants, a institué la fête des patrons pour leur donner des protecteurs, pour leur tenir devant les yeux une image vivante du Fils de Dieu, pour leur présenter un modèle de ce qu'ils doivent imiter. L'on ne dérobe pas à Jésus-Christ l'honneur et la qualité de protecteur de l'Église, parce qu'on fait profession d'honorer les saints, non pas en eux-mêmes, mais bien en la personne de Jésus-Christ. L'on honore le soleil quand on parle de la splendeur des astres qui n'ont de vie et de vertu que par la force et la lumière du soleil. Les plantes et la terre honorent la fécondité du soleil comme le père de la vie de la terre, de même Jésus-Christ est honoré, glorifié et magnifié par l'Église quand on le voit opérer la gloire dans les saints dans le ciel et la justice dans ceux de la terre. Notre saint, destiné à être un patron et un modèle de tant d'âmes, a fait voir un extérieur commun pour être suivi et imité de ceux qui vivent sous sa protection. Il est vrai qu'il est merveilleux par la vertu de ses miracles, vivant dans le ciel, qu'il est admirable en sa consommation de la gloire, mais il a encore cet avantage que sur un fond intérieur de vertus admirables, il a pratiqué quantité de vertus imitables et qu'il se peut donner pour modèle à toutes sortes de professions et d'états. J'ai beaucoup reçu de Dieu pendant les premières vêpres de Saint-Sulpice. Je le voyais intérieurement au-dessus du cœur, dans une grande gloire et revêtu superbement de ses habits pontificaux. Il se présentait à moi avec beaucoup plus de pureté qu'à l'ordinaire, il n'avait de grossier et de figuré que le nécessaire pour faire remarquer son auguste personne. Il m'apprenait certains actes que je devais faire avec lui. J'apercevais qu'il fallait honorer ce saint prélat en sa gloire, se réjouir avec lui des services qu'il a rendus à Dieu toute sa vie, et, avec lui, reconnaître la libéralité de ce grand Seigneur et Maître qui récompense ainsi ses serviteurs. Je voyais qu'il fallait se complaire dans l'honneur que Dieu recevait par ce grand saint, à l'occasion duquel on lui rendait tous ses hommages. Je voyais ce bienheureux lui-même tout répandu en louanges devant la Divine Majesté, et je comprenais qu'il fallait nous unir à son esprit et en faire notre supplément, pour glorifier Dieu et le remercier de ses grâces et de ses bienfaits. Quand ces lumières m'ont été données, je sentais mon âme tout élevée à Dieu, sans aucune opération de ma part. Je laissais agir le Saint-Esprit, et il louait en moi la très sainte Trinité comme dans son temple. Saint François et Saint Dominique. Notre Seigneur a eu le désir de prêcher partout à la fois, et dans tous les âges. Comme il ne le pouvait faire par lui-même, il s'est multiplié en autant de personnes qu'il y a de chrétiens, et la participation de son zèle a fait dans le cœur des saints les mêmes effets qu'il faisait dans le sien. C'est ce qu'on remarque en Saint François et en Saint Dominique. Le divin maître s'en est servi pour renouveler la religion dans son Église, car c'est lui qui, par leur bouche, opérait des merveilles à la gloire de Dieu, et qui leur donnait le désir de se répandre en quantité de membres, pour publier l'Évangile en tous les lieux du monde. Aussi ces deux grands saints sont allés par toute la terre, sans sortir de leur pays, comme leur zèle pour le service de Dieu s'étendait à l'avenir et à toute l'éternité, leur esprit s'est transmis à leurs successeurs, qui sont allés partout prêcher la bonne parole et publier la gloire de leur maître. Ce matin, je voyais Saint Dominique multiplier autant de fois qu'il y a de bons religieux dans son ordre. En même temps, je demandais à Dieu qu'il lui plût donner à toutes les cures d'excellents pasteurs, qui veillassent à honorer le Saint-Sacrement et à le dispenser avec sainteté. Seigneur Jésus, vrai pasteur, pasteur universel de l'Église, donnez ordre à ses nécessités, suscitez, s'il vous plaît, quelques personnes qui renouvellent l'ordre divin de Saint-Pierre, avec autant d'amour que Saint Dominique a établi le sien dans l'Église. C'est un vase de feu brûlant et consumant les hérésies et la tiédeur des fidèles. Seigneur, échauffez les cœurs de votre amour, afin qu'ils portent le feu de votre religion par tout le monde. Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas est un soleil, une lumière, qui contient en éminence toute la clarté et la science des choses qui se connaissent au monde. Tout ce que les autres esprits en ont conçu en particulier, il l'a compris et abrégé lui seul, en lui-même. Si vous voulez le voir rayonner dans le monde de la nature et de la grâce, il n'y a qu'à voir ce qu'il a écrit sur Aristote et sur le maître des sentences, qui étaient les deux lumières de son temps les plus éclatantes. Comme sa lumière était plus pleine que celle de l'un et de l'autre ensemble, il a fait des commentaires sur chacun, qui leur ont donné un nouveau jour et de nouvelles lumières. peu satisfait de ce qu'il a écrit sur la grâce, en commentant le maître des sentences, il a fait ensuite une œuvre tout autre qui est la somme, dont un pape disait, autant d'articles, autant de miracles, il y fait voir toute la beauté, la grandeur, la richesse de la grâce. C'est une chose rare, comme il va divisant et partageant toute chose, pour marque de sa netteté et de sa lumière. Il considère trois mondes, l'incorporel, le deuxième raisonnable, le troisième angélique. Et ce qui est merveilleux en cette sainte lumière, c'est qu'il n'est pas content de traiter de ces choses en une seule manière, mais il leur fait changer de jour tout autant de fois qu'il en traite, car il traite autrement les choses sur le monde corporel en ses commentaires sur Aristote, autrement en ses commentaires sur le maître des sentences, autrement en sa somme, dans l'œuvre des six jours, où il traite de tout l'ordre de Dieu dans la formation de l'univers et la constitution des créatures. Le second monde que notre saint regarde et considère en la nature est le beau monde raisonnable, sur lequel il fait des traités admirables, où il s'occupe de l'homme en particulier, et de ses vertus personnelles. Il traite ensuite de l'homme vivant en société, soit domestique, soit public. Le troisième monde qu'il a considéré, est le monde purement spirituel et angélique que ce grand saint a vu comme s'il en eût été citoyen, ami des apôtres et serviteur de Dieu. Éphésiens 2, 19. C'est le premier qui en éclaire pleinement l'intelligence. Les ordres dont saint Denis avait tracé quelques petits et légers crayons, il les explique, en ayant reçu une pleine intelligence, non seulement sur leur ordre, mais sur leur puissance, leur société, leur grâce et leur don. Notre saint, s'expliquant plus au long sur un autre monde, qui est celui de l'Église, s'y conduit admirablement en sa lumière, de sorte qu'il n'y ait rien qui ait donné quelque peine aux Juifs, gentils ou hérétiques, qu'il n'ait lâché d'éclaircir pour la consolation et sûreté de l'Église. Il n'est pas surprenant si un jour, étant en peine sur un passage d'Isaïe, saint Pierre et saint Paul lui apparurent, qui sont les deux grandes lumières de l'Église, les deux apôtres des Juifs et des gentils. Par don particulier, il a eu l'intelligence de saint Paul, comme on le voit dans ses commentaires, et il a goûté les homélies de saint Jean Chrysostome, si remplies de la moelle de sa sainte doctrine. Ce qui est à remarquer de singulier dans sa conduite contre les hérétiques, c'est qu'il n'use jamais d'invectives et d'injures contre eux, mais seulement de la netteté et de la force de sa lumière pour les convaincre, ce qu'il fait avec toute puissance. Lisant les écrits de saint Thomas sur saint Paul, je croyais voir la fécondité de l'Esprit de Dieu opérant en son âme au moment même qu'il écrivait avec une abondance et une activité incroyables. C'était un esprit toujours tendu à Dieu, toujours ouvert au ciel et disposé pour recevoir ses opérations et ses impressions. C'était un homme toujours renfermé pour travailler, il n'avait d'attention qu'à son travail, sans interruption des choses séculières et grossières, son étude était son cabinet, son cloître, sa récréation, son louvre, et toute chose. Et quoique son ouvrage sur saint Paul soit appuyé sur la doctrine et sur le fondement de la théologie, les lumières étaient de Dieu qui agissait conformément à l'éclat de ce saint pour se servir de ce qu'il avait mis dedans lui par l'acquis de son labeur. Il y était la semence divine sur cette terre bien préparée, et il élevait le bâtiment de sa science dessus le fondement de la doctrine qu'il lui avait accordée et que par sa grâce il lui avait fait acquérir. Saint François de Sales. Mission de l'évêque de Genève. L'Église avait été éclairée en 16 endroits, au centre de l'Europe, quelque temps avant, par la lumière d'un saint Charles qui avait fait paraître une vertu miraculeuse et divine. Mais ce grand évêque était inaccessible au commun pour son austérité et la rigueur de sa vie. D'ailleurs, sa vertu était comme bornée au clergé, comme la première et la principale portion de l'Église, par laquelle Dieu voulait dans ce siècle commencer à la renouveler. Voici le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Mais Dieu, qui voulait répandre sa piété et sa sainteté dans toute son Église, suscite saint François de Sales fort peu de temps après. Ce grand prélat vient dans un temps où la chaleur de la piété se fait déjà sentir dans l'Église, il augmente sa ferveur, et il la distribue à tout le monde, à toutes les conditions. Aussi voit-on que son incomparable livre de l'introduction, qui contient les prémices de son esprit, a produit de si grands effets dans l'Église, et que, de jour en jour, cet esprit se répand et se communique partout. Seul il fait ce que font les autres saints de cet âge, et Dieu ramasse en lui ce qu'il partage en tous les autres. Premièrement, il travaille à la ruine de l'hérésie et du péché parmi le peuple, et par-dessus cela, il insinue et instruit la piété. Deuxièmement, il fait la même chose dans la religion, comme on le vit par l'institut de la visitation qu'il fonda, et d'après lequel toutes les réformes religieuses se sont faites en France et plusieurs dans d'autres royaumes. Et enfin troisièmement pour le clergé, il donne des exemples et des instructions qui sont en admiration aux saints prélats. Que l'on consulte les plus grands évêques de son siècle, et on verra ce qu'ils en diront. Dieu lui donne la science pour confondre les hérétiques, la lumière pour éclairer les peuples et pour convertir les pécheurs, il lui donne le zèle pour l'état religieux qu'il renouvelle dans sa piété et sa grâce. Enfin, comme prélat, notre saint a encore la grâce d'éclairer le clergé. Il enseigne, il prêche, il convertit comme les jésuites, il fonde un ordre religieux comme saint Thérèse, il édifie les prêtres et le clergé comme le grand saint Charles, dont il est l'imitateur et la copie parfaite. Dans ses visites du Chablais, il se sert des jésuites, il excite ses filles à imiter le zèle et l'amour des carmélites, et, enfin, il prend pour modèle saint Charles en sa charge. Il est pour cela très éclairé dans sa science, très fervent en son amour, très puissant et très fécond en ses œuvres. Les prélats trouvent en lui leur grâce, les religieux la leur, aussi bien que les peuples, si bien que tous peuvent dire, Spiritus tuus bonus, notre saint, dans cette plénitude de grâce, se trouve ainsi le patron de tous les états et ainsi on peut dire qu'il est donné de Dieu pour le renouvellement de la piété dans toute l'Église. Science de saint François de Sales. Ce qui montre visiblement l'opération de l'Esprit de Dieu dans la science de notre saint, c'est qu'outre que l'esprit humain est borné dans l'objet de son application, quelque forte qu'elle soit, il est sec, sans onction et sans fruit. Sagesse 13, 5, 1, notre saint, au contraire, outre qu'il était éclairé par l'Esprit de Dieu, selon toute l'exigence de sa vocation, porta dans toutes ses connaissances et ses lumières des marques de l'onction et de l'opération de l'Esprit divin. S'il parle latin, c'est en termes de l'Écriture qui élève les esprits et insinue la piété dans les cœurs. S'il traite des choses naturelles, il semble qu'il contemple, comme un autre Adam, dans toutes les créatures la nature et l'opération de Dieu. Et il se sert de ces figures sensibles pour expliquer la vie intérieure et divine. S'il traite la théologie positive, il le fait avec tant de bénédictions qu'il convertit, qu'il console, qu'il adoucit ses auditeurs, et comme disait ce grand et éminent personnage le cardinal Duperron, « Je peux bien convaincre les esprits et les confondre, Mais il faut les mener à Monseigneur de Genève pour les convertir. Nous pouvons en dire autant des autres connaissances de ce saint, elles portent toutes avec elles le caractère de l'Esprit de Dieu par les bénédictions qui les accompagnent. Enfin, ses paroles avaient la même onction que ses écrits et produisaient les mêmes effets dans les âmes. Notre saint a la science de lire dans tous les livres, et il voit Dieu en toutes les manières qu'on le peut voir. Il le voit comme Adam dans les créatures, il avait une certaine connaissance des choses naturelles, comme ses écrits le témoignent, et en particulier sa Philoctée, qui en est remplie. L'on peut dire de lui sur ce sujet ce qu'on disait de Salomon, que depuis l'hysope jusqu'au cèdre du Liban il avait connaissance de tout. Car il ne connaît pas seulement les plantes, mais encore les pierres, les métaux, les animaux et toutes les choses de la nature. Quasi partout il trouve des sens divins et, comme pour Adam dans son état d'innocence, toutes les créatures servent à l'élever à Dieu, ou à l'instruire. Bien plus, il voit Dieu comme Moïse le voyait dans les figures de la loi, le livre du traité de l'amour de Dieu en est tout plein. Enfin, il le voit encore plus en Jésus-Christ, comme les parfaits chrétiens. Dans ses entretiens, son introduction et ce merveilleux livre des Épîtres, l'on voit une sagesse si étonnante, et un si admirable don de conseil. Qu'on est heureux que les demandes qu'on lui adressait de toutes parts nous aient mérité de lui de si dignes réponses. Son livre de l'amour de Dieu, disait la bienheureuse mère de Chantal, dépositaire de son cœur, est le caractère et l'expression de son âme et de son intérieur. L'on peut dire des chapitres de ce livre, comme des articles de saint Thomas, que ce sont autant de miracles. Et notre saint a confessé lui-même que, relisant ces chapitres après les avoir composés, il pleurait à chaudes larmes, se voyant éloigné de la perfection qu'il enseignait aux autres. Si je nomme ce grand prélat bienheureux, ou saint, ce n'est pas pour supposer sa béatification ou sanctification solennelle, mais c'est pour m'accommoder au sentiment des peuples qui l'ont déjà canonisé. Si je le nomme parfois mon père, c'est parce que j'ai eu le bien d'être retiré de la mort par sa bénédiction et d'avoir aussi reçu sa bénédiction en sa mort, c'est parce que, pendant le cours de sa vie, j'ai porté la sainte soutane par ses saints avis et son conseil. Note. En effet, M. Ollier eut l'avantage dans sa jeunesse, à Lyon, d'entendre de la bouche de saint François de Sales les paroles les plus encourageantes sur sa vocation sacerdotale. Peu de temps après, il put pénétrer, avec sa mère, dans la chambre du saint évêque agonisant et recevoir une de ses dernières bénédictions.